Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la belle église à Bélingué avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la belle église, pour commencer la branche d'Abelépé où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements loin et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Ta vie va changer et prie le Seigneur. Il a dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Il envoie sa parole et sa parole accomplit un dessein. Et ce matin, cette parole va accomplir ce dessein dans ta vie. Prie le Seigneur, prie, tout le monde ferme les yeux, prie, demande, Seigneur, merci pour ta parole. Merci que ta parole est une lumière et une lampe sur nos sentiers et sur nos chemins, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous, envoie cette parole ce matin, guéris nos vies, délivre-nous du mal, au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci, merci. Tu dis que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Seigneur, ce matin, que la vérité vienne à nous. Et que nous soyons affranchis, nous soyons délivrés. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, merci. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Notre verset de la semaine, Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible ensemble, Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. OK? On va mémoriser ensemble ce verset. Un verset pour la semaine. Alléluia. Un verset pour la semaine. Alléluia. Galates 6, verset 10. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Galates 6, verset 10. Ainsi donc, nous avons l'occasion. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les en la foi. Alléluia. Oh, j'entends seulement trois voix. Alléluia. Vous avez faim ce matin. OK? Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Une fois encore. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Alléluia. On peut fermer la Bible. On peut fermer. Hein? Gildas, ok, on doit. Ok, Galates 6, verset 10. Tout le monde va mémoriser. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous pratiquons et surtout Galates 6, verset 10. OK, on va fermer maintenant. Ou bien on a déjà fermé. On a déjà fermé. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai pour tout le monde. Alléluia. Pour certains. Galates 6, verset 10. Une dernière fois. Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Alléluia. Est-ce qu'on peut mémoriser et méditer ce verset toute la semaine? toute la semaine, yeah, ça va t'aider à être bon, à faire du bien envers les autres. Alléluia. Surtout ceux qui sont dans la foi. Surtout les chrétiens. Alléluia. Amen. C'est bon? Alléluia. Donc, on va commencer. Nous avons la Sainte Cène à la fin. Alléluia. Et nous attendons toujours ceux qui sont toujours à Kodesh. Je ne sais pas s'ils sont toujours à Kodesh ou bien à la conférence. Alléluia. Yeah, je sais qu'il y avait des volontaires ou bien volontiers. Volontaires ou bien volontiers. Volontiers, ça veut dire quoi? Volontiers, c'est quoi? Ah, tu donnes sans qu'on te force. Ah, mais on dit volontaire, c'est, tu te, et volontiers, c'est, ah, ok. Grammaire. Ok. Chaque jour, chaque dimanche, j'apprends le grammaire. Alléluia. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient toute la nuit, n'ont pas dormi. Alléluia. Amen. Et donc, on les attend, ok? Alléluia. Donc, ce matin, nous allons continuer notre sujet sur Anakazo. Alléluia, qui est ce petit livre, Anakazo. Amen. Et durant la conférence, on a appris beaucoup de choses. Et surtout sur la sagesse. Yeah. L'évêque a dit quelque chose que peut-être que lorsque tu as 70 ans, bien 80 ans, bien 60 ans, bien 50 ans, il y a certaines sagesses que tu ne peux pas appliquer. Alléluia. Dans la sagesse, c'est surtout les jeunes qui ont besoin de la sagesse. Yeah. Je crois que tu allais dire amen, parce que tu es jeune. Tu es jeune. Alléluia. Ce sont les jeunes qui ont besoin de la sagesse. Parce que maintenant, tu vas prendre certaines décisions. Alléluia. Il y a beaucoup de décisions que tu vas prendre. Amen. Par exemple, je suis marié, par exemple. OK? Par la grâce de Dieu, je suis marié. Alléluia. Lorsque tu me donnes la sagesse concernant les relations, comment est-ce que je peux l'appliquer? Maintenant, j'ai déjà dépassé ce stade, ou bien ce moment d'avoir une relation. Ou bien, d'avoir une bilo. Donc, cette sagesse ne s'applique pas à moi. Ça s'applique à quelqu'un qui n'est pas marié. Alléluia. Yeah. Yeah. Donc, il y a certaines sagesses, qui ne s'appliquent pas aux ceux qui sont âgés. Parce qu'ils ont pris certaines décisions, déjà pris certaines décisions. Alléluia. Mais nous, les jeunes, la plupart des sagesses s'appliquent à nous. Parce qu'on n'a pas encore pris certaines décisions. Yeah. Alléluia. Amen. Yeah. Et il a défini la sagesse que c'est l'application de la connaissance, l'enseignement, les instructions que tu as reçues. Yeah. Tout le monde a reçu l'enseignement, mais on l'applique différemment. C'est là où on voit la sagesse. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et si vous avez eu l'enseignement sur la fornication, la femme étrangère, quoi, ne pas faire certaines choses. Mais on voit la sagesse. Parce que certains appliquent différemment. Beaucoup de personnes l'appliquent différemment. Là, tu vas voir que les gens sont sages ou bien pas. Alléluia. Donc, ce sont les moments où on a passé 4 jours d'enseignement. Hein, et je pense que ceux qui n'étaient pas là, vous devez avoir les messages, écouter les messages. Et nous tous même, ceux qui sont là. Parce que il y a certaines choses que tu n'as pas vraiment reçues. Mais lorsque tu écoutes, parce que hier j'écoutais, j'ai dit, ah, waouh, il y a ça là, j'ai même pas. J'étais là, mais j'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Yeah. Parce que lorsque tu écoutes quelqu'un, tu reçois seulement 11% de ce que la personne dit. Donc ce matin, tu vas recevoir seulement 11% de ce que je dis. C'est pourquoi dans cette église, on a des notes. On écrit. Tu viens à l'église, tu dois écrire. Tu viens avec une Bible, tu viens avec un cahier, un carnet pour écrire. Alléluia. Parce que tu retiens seulement 11%. Yeah. Les gens qui ne crient pas, ça dit quelque chose. Yeah. Yeah. La Bible dit que le sage reçoit, veut recevoir encore et encore. Le sage. Wow. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Donc, anakazo. Hein? Anakazo. On a vu anakazo dans Luc chapitre 14, verset 23. Qui dit quoi? Luc 14, verset 23. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible ensemble? Luc 14, verset 23. OK? Luc 14, verset 23. On peut lire ensemble. OK? Et le maître, un d'eux, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Contraint, contraindre. Le mot contraint là-bas, c'est anakazo. C'est un mot grec. Alléluia. Un mot grec. Lorsque tu vas dans la version grecque de la Bible, tu vas voir anakazo. Alléluia. C'est le mot anakazo. Et puis, on a défini que c'est quoi? Obligé. Anakazo veut dire obligé, bien contrainte. C'est ça, non? La signification de contrainte. Obligé, forcé, persuadé, nécessité. Alléluia. Quoi encore? Hein? Imposé. Hein? Anakazo te rend agressif. Tu deviens agressif. Alléluia. Tu te forces pour faire l'œuvre de Dieu. Tu te forces pour suivre les commandements du Seigneur. Alléluia. Amen. Yeah, anakazo. Et comme chrétiens, nous devons appliquer anakazo. Yeah, appliquer anakazo. Et puis on a vu un autre mot qui est semblable, qui dit biazo. Biazo. C'est dans quel verset? Matthieu 11, verset 11 à 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble? OK, Matthieu 11 verset 11 et 12. Matthieu 11 1 2. Je vous le dis en vérité, tout le monde lit. Si tu n'as pas de Bible, il faut voir ton voisin, te rapprocher de ton voisin, lis ensemble. On va lire ensemble. Tu es à la maison du Seigneur. Alléluia. L'une des plus importantes choses lorsque tu viens à l'église, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, tu dois lire, parce que beaucoup d'entre nous, on ne lit pas toute la semaine. Et puis, on vient à l'église aussi, on ne va pas lire, c'est pas bien. Au moins, lire à l'église. Alléluia. Matthieu 11, verset 11, je vous le dis, un d'eux, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Yeah. Abiazo. Forcé. Les violents. Est-ce que vous avez vu? C'est dans la Bible, ou bien? Yeah. Yeah. Les jeunes n'aiment pas être forcés. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Non. Non. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Violent. Tu dois être violent. Pour ton salut. Tu dois être violent pour obéir à la parole. Alléluia. Tu dois être violent pour les choses spirituelles. Yeah. Sans biazo, tu ne peux pas. Hein? Donc, biazo veut dire quoi? Se forcer pour entrer dans quelque chose. Donc, si tu ne te forces pas pour entrer dans le royaume, tu ne seras pas sauvé. Yeah. Aujourd'hui, la christianité, c'est comme tout le monde est chrétien. C'est pas tout le monde. Yeah. Yeah. Parce que beaucoup de personnes viennent à l'église avec des trucs, avec des bagages. Alléluia. Avec des bagages, avec des péchés, avec des trucs qu'on a amenés du monde. On amène ça à l'église. Yeah. Wow. Si tu ne te forces pas pour te débarrasser de ces choses, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume a subi la violence. Et ce sont les violents. Waouh! Est-ce que vous avez vu? Yeah. Parce que quand on vient à l'église, c'est comme on est comme ça. Oh, on est comme ça. Oh, non. Même lorsque la moustique te pique là, non. Tu dis moustique. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Non. Comme jeune fille, tu ne peux pas te laisser, être touché par n'importe qui. Yeah! C'est la violence. C'est la violence. Alléluia. Vous me regardez comme, c'est comme, vous ne comprenez pas ce que je dis. Yeah. C'est la violence. Alléluia. Donc, certains types de christianité ne va pas nous amener dans le ciel. Alléluia. Certains types de christianité ne va pas nous sauver. C'est pourquoi on a besoin d'Anakazo et de Biazo. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et puis, on a vu aussi Anadea. Luc chapitre, quoi? Chapitre 11, verset 8, qui dit quoi? Luc chapitre 11, on va lire ces trois versets ensemble. Luc chapitre 11, verset 8. Luc chapitre 11, verset 8. Est-ce que vous êtes là? On peut commencer? Ok. Oui, Luc chapitre 11, verset 8, 1, 2. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Alléluia. Donc, tu vois, importunité. Yeah. Qui n'est pas gêné, qui n'a pas honte. Alléluia. Il n'a pas honte. Il n'est pas gêné. Il n'est pas importuné. C'est ça le verbe. Ou bien, il n'y a pas un verbe pour importunité. Alléluia. Il n'est pas gêné. Alléluia. La honte ne va pas nous te sauver. La honte. Avait dit que lorsque tu, Jésus dit, si tu as honte devant moi aujourd'hui, moi si j'ai honte pour devant toi le jour là, je dis je ne te connais pas. Yeah. Ceux qui ont honte de leur salut et de leur chrétienté, c'est dangereux. Wow. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, pourquoi Anakazo? On a commencé la semaine passée. Quelle raison on a donné? Première raison. Pourquoi Anakazo? L'homme d'Anakazo ne fait quoi? Surmonte les excuses. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui étaient là ce dimanche passé? Ah, c'était la moitié. Donc, où est la moitié de dimanche passé? Où sont-ils? Alléluia. Yeah. L'homme d'Anakazo surmonte les excuses. Et deuxième raison, pardon, chacun de nous a son compte à rendre à Dieu. Alléluia. Donc l'homme d'Anakazo surmonte les excuses. Alléluia. Est-ce que vous savez que les excuses viennent de ces personnes-là qui disent que je ne peux pas? Hein? Je ne peux pas. Excuse. Lorsque nous disons dans Luc chapitre 14, verset 23, on a vu trois excuses. Vous vous rappelez de ces trois excuses? Yeah. Quelles sont ces excuses? Verset 18, « Mais tout unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » On t'a invité pour une fête. Alléluia. Tu dis maintenant, c'est maintenant que tu vas aller voir ton champ. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Excuse. Et le troisième dit quoi? Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux aller. Wow. Yeah. Ça, là, sont des ennemis de Anakazo. Le premier ennemi dans la case, c'est l'homme qui donne l'excuse. Yeah. Excuse. Tout le temps. Je suis fatigué, je ne peux pas venir. Yeah. J'ai pas d'argent, je ne peux pas aller. Yeah. Je suis découragé. Je ne peux pas venir à l'église. On m'a offensé. Quelles sont les excuses que vous donnez là? Je suis quoi? Je suis loin. J'ai pas dormi à temps. Je ne me suis pas levé tôt. Mais quoi? Les habits ne sont pas prêts. Il faut voir combien de fois, lorsque tu veux faire quelque chose pour toi, tu t'efforces toi-même. Tu fais tout et tout. Tu te prépares une semaine avant. Hein? Tu peux pas loin longtemps. Mais c'est pour venir à l'église dimanche. Dimanche matin, on dit que l'habit n'est pas prêt. Je ne me suis pas levé tôt. Je n'ai pas dormi tôt. J'ai dormi tard. Il y a light off. La température est quoi? C'est fait. Je n'ai pas quoi? J'ai pas le western, j'ai pas l'argent. J'attends le western. Yeah, excuse. Il y a pas l'eau. J'ai mal à la tête. J'ai un project work. J'ai pas fini le project work. C'est dimanche matin là, tu vas faire le project work. Hein? C'est le dimanche matin. Si tu n'as pas pu faire le project work le samedi ou bien le vendredi, c'est dimanche matin, on va faire le project work. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Le premier ennemi dans Nakazo, c'est l'homme qui donne l'excuse. Yeah. On va voir ça. Dans la Bible. C'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Yeah. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Excuse. Est-ce que tu es quelqu'un qui donne des excuses lorsque c'est à faire avec Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui donne, une fille qui donne des excuses lorsque c'est pour Dieu? Yeah. Nombre chapitre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tout, nombre 13, verset 27. OK. Nous sommes allés dans le pays où tout, où tu nous as envoyé. Et là, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. On sait que c'est bien. Hein? Et en voici les fruits. On sait que Dieu, ce que Dieu veut faire pour nos vies, c'est bon. On sait que l'église est bon. On sait que servir Dieu est bon. Ou bien? Yeah, c'est la même chose ici. Mais verset 8, 28 dit quoi? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grand. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, habitent le contrée du Midi. Les Héthiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jordan. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons parce que emparons-nous du pays, ok, nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés disent quoi avec lui? Nous ne pouvons pas monter contre ce pays, ce peuple, car il est plus fort que nous. Yeah, première excuse. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes plus d'une taille haute. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et à leurs comme des sauterelles. Comment est-ce que tu peux te décrire comme tu es sauterelle? Yeah. Excuse. Dieu a dit, va, c'est le pays que je te donne. Allez. Est-ce que tu penses que Dieu va les envoyer là-bas pour les tuer? Est-ce que tu penses que Dieu t'invite pour te tuer? Hein? Ah. Servir Dieu. Lorsqu'on dit serve Dieu, viens à l'église. Il y a des excuses. Yeah. Des excuses. Viens à la répétition, des excuses. Viens prier, des excuses. Alléluia. Viens jeûner, des excuses. Hein? Yeah. Beaucoup de personnes donnent des excuses. Alléluia. Donc, la personne qui donne des excuses est un ennemi. Hein? Un ennemi de Anakazo. Parce que l'homme d'Anakazo sait que c'est possible. Yeah. C'est possible. On peut essayer. Alléluia. Yeah. C'est le langage de l'homme d'Anakazo. On peut essayer. Il y a un autre ennemi de Nakazo qui est qui? Qui est quoi? Qui donne des excuses? La personne qui murmure. Ah. Murmure, ça veut dire quoi? Yeah. Même ce matin, lorsque je suis en train de parler, je suis en train de murmurer. Quelqu'un est en train de dire quelque chose. Parfois, on ne murmure pas à l'autre personne, on murmure à nous-mêmes. Ah. on murmure à nous-mêmes dans nos cœurs, ils sont en train de murmurer. Hein? Ils sont en train de nous plaindre. Ah, le pasteur là, Anakazo c'est quoi? Pourquoi c'est Anakazo? C'est Lighthouse, on parle d'Anakazo. Yeah. Murmure! Alléluia! Et nous, on voit ces murmures aussi ici, dans le même livre, Nombre. Yeah. Est-ce que vous savez que murmurer, c'est un péché? Yeah. Tous ceux qui ont murmuré, on a vu ça dans quel verset? Dans quel verset? Yeah, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Yeah. Lorsque tu lis l'histoire d'un homme, tu vas voir que tous ceux qui ont murmuré, Dieu les a tous tués. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Parce que c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux de murmurer contre les choses spirituelles. C'est dangereux de murmurer contre l'homme de Dieu. C'est dangereux de murmurer contre ce que Dieu te demande de faire. Yeah. Wow. Philippiens 2. Verset 14. Wow. L'homme qui donne des excuses et l'homme qui murmure, c'est ennemi. Lorsque tu es avec quelqu'un qui murmure, éloigne-toi. Yeah. C'est un mauvais esprit. L'homme qui donne des excuses à côté de toi, cela veut dire que vous ne pouvez jamais avancer. Vous ne pouvez pas entrer dans la terre promise pour ta vie. Tu ne peux pas entrer. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 14. Fais toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse, corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que vous avez vu? Murmurer, c'est un péché. Lorsque tu murmures, tu deviens répréhensible. Tu deviens impur. Yeah. Bien réprochable. Yeah. Parce qu'il dit que lorsque tu ne murmures pas, tu deviens irréprochable. Tu deviens pur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Murmurer. Murmurer. Murmurer. La Bible dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Philippiens 4, verset 14. C'est 14, bien. 13. Philippiens 4, verset 13. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Non, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ce verset que je veux. Je puis tout. L'homme d'Anakazo dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est possible. Et l'ennemi dit que non, c'est pas possible. Est-ce que tu penses que c'est possible? Nous sommes à nos yeux et aux yeux de ces habitants comme des sauterelles. Tu vois, nous sommes faibles. Tu vois que c'est pas possible. Tu vois que le temps n'est pas bon. Tu vois que Abelin peut être trop loin. Tu vois que la berger, la manière dont elle a parlé la fois passée là. Tu vois, Lighthouse. Les gens qui murmurent. Je vous dis ceux qui murmurent contre Lighthouse. Faites attention! Yeah! Après, le culte demande pardon. Si tu as une fois parlé contre l'église. Contre les pasteurs. Alléluia. Tu as vu les gens qui ont murmuré. Dans la Bible, tu as vu, d'un homme, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils sont tous tués. Tout le monde a été tué par Dieu. C'est Dieu. Donc ceux qui murmurent contre l'église, ceux qui murmurent contre les choses spirituelles, ceux qui murmurent contre les pasteurs, ceux qui murmurent contre l'évêque, yeah. On dit que Lighthouse est un secte. Est-ce que tu as vu un secte ici? Où est le secte? Tu as vu un secte ici? Yeah. L'homme d'Anakazo ne murmure pas. L'homme d'Anakazo ne donne pas des excuses. Alléluia. L'homme d'Anakazo dit c'est possible. Si c'est Dieu qui a dit c'est possible. Si c'est les choses spirituelles, c'est possible. On peut aller. On peut faire la vaisselle. On peut aller samedi. On peut aller évangéliser. Ah, on peut prier. Yeah. L'homme d'Anakazo. L'homme d'Anakazo nous dit que je peux prier 100 heures. On a commencé 100 heures. On est à quelle heure? On est à quelle heure? On n'est pas à 80 heures. son 10 heures. Non, on a dépassé son 10 heures, Stéphane. La dernière fois, j'ai calculé son 17 heures, bien son 18 heures. On a déjà fait. L'homme dans la case. Yeah. Vous me regardez. Yeah. Nous avons prié, nous sommes en train de prier pour 100 heures. Yeah. Qui a déjà prié pour 70 heures? Ok, 50 heures, 50 heures. Yeah. Yeah. C'est possible, ou bien? C'est possible. Yeah, tu as dit, oh non, pasteur, c'est 60 heures, 100 heures, non, non. Pasteur, ça c'est quoi? Les gens sont en train de prier 100 heures. Et tu vas voir la différence entre les gens. Tu vas voir la différence entre les chrétiens qui ne veulent pas, ne peuvent pas entrer dans la terre promise. Yeah, c'est possible. Tu peux prier 2 heures. Tu peux prier 3 heures. C'est possible ou bien? Tu peux venir chaque dimanche à l'église. Parce que parfois, tu poses la question, est-ce que dimanche prochain, je vais te voir? Je ne sais pas. Je suis en train de voir. Quelles sont les réponses? Il y a des expressions les gens donnent. Quelles sont les expressions les gens donnent? Qui dit que Dieu ne veut pas? Tu as vu ça dans la Bible? C'est dans la Bible. Par la grâce de Dieu. Qui dit que c'est la grâce de Dieu n'est pas là? C'est toi qui ne veux pas. S'il plaît à Dieu. Si Dieu le veut. Ou bien je suis en train de... Il y a une autre expression. Je suis en train de voir. Je ne suis pas sûr. Pardon? Ça dépendra de ton programme. Est-ce que c'est ton programme pour te lever ce matin? Tu as la force, tu as la vie, c'est ton programme. C'est ton programme qui t'a fait que tu es vivant ce matin. Ton programme d'acheke que tu as mangé hier soir, c'est ça. C'est l'acheke que tu as mangé hier soir qui a fait que tu es debout ce matin. Ton programme de manger là, à papa, c'est ça qui a fait. Hein? Si mon programme le permet. Dieu, si Dieu dit, aujourd'hui, je vais voir si mon programme permet à toi. Tu vas voir si tu seras vivant ou bien pas. Si Dieu aussi dit, je veux voir si mon programme permet pour que toi, tu sois vivant, on va voir. Yeah. Il y a une autre expression. Il y a une autre expression. Il y a une autre... Aujourd'hui, tu vas poser une question à quelqu'un. Oh, dimanche, on se voit dimanche. Il y a une autre expression, les gens donnent. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Dieu va dire, ok, je ne sais pas encore pour ta vie. Et on va voir. Je ne sais pas. Ok, dimanche, je ne sais pas encore. Si tu peux te lever. Les gens qui ont murmuré. Yeah, les a tués tous. Yeah. La sœur de Moïse, elle s'appelle comment? Myriam a murmuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Yeah. Les gens ont des maladies bizarres à cause des murmures. Yeah. La lèpre, c'est une maladie bizarre, non? Yeah. Les gens sont malades à cause de ça. Des murmures. Faites attention. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pour que vous soyez quoi? Irréprochable. Irréprimable. Pur. Faites attention. Ceux qui murmurent contre les choses de Dieu. Contre Moïse. Moïse est marié à une Éthiopienne. Yeah. Qui dit que Moïse est parfait? Moïse n'arrive même pas à parler. C'est Aaron qui parle pour lui. C'est la bouche. La bouche de Moïse, c'est Aaron. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Qui dit? Mais toi, tu n'as rien fait. Quelqu'un a commencé une église. Beaucoup de personnes sont sauvées. Les gens ont changé de vie. Les gens qui étaient sous là. Les gens qui étaient drogueurs. On dit drogue. Drogués. OK. Les gens qui font la drogue. Les drogue. OK, il faut me pardonner, les Français. Yeah. Yeah. On prêche la parole de Dieu, les gens changent de vie. Beaucoup de personnes ont changé, leur vie change ici. Et toi, tu es là, tu parles contre l'église. Tu parles contre le pasteur qui a commencé cette église-là. Qu'est-ce que tu as fait? Ta vie a changé quelqu'un? Ta vie plutôt amène les gens dans l'enfer. Et c'est toi qui murmures et c'est toi qui critiques. Hein? commencé quelque chose et la vie des gens sont en train de changer. Et toi, tu n'as rien commencé. Tu es en train de critiquer. Myriam n'a rien fait. C'est Moïse qui a pu aller voir Pharaon. Dit Pharaon, laisse mon peuple partir. C'est Moïse qui a fait ça. C'est Moïse qui a entendu la voix du Seigneur. Et c'est lui qui a fait partir le peuple d'Israël. Et toi, Myriam, tu n'as rien fait. Tu chantes seulement, tu es choriste. Les choristes, faites attention. Choristes, faites attention. Tu commences à parler. Tu vas voir ta bouche, on va fermer ta bouche. La lèpre moderne. Parce que les médecins ont trouvé quelque chose pour la lèpre. Donc, autre chose. Yeah. Maladie bizarre. Ce sont les Irans qui critiquent. Ils n'ont rien fait. Yeah. Wow. Wow. Est-ce qu'il y a les hommes d'Anakazo ici? Yeah. Si tu as une fois murmuré à la fin du culte, demande pardon. Demande pardon. Tu as parlé mal des pasteurs, pas seulement les pasteurs de Lighthouse, les pasteurs qui sont en train de faire. C'est pourquoi l'évêque dit à tout le monde, si tu es dans cette église, l'évêque dit à tout le monde, ne critique personne. Ne critique personne. Ne critique aucune église. Yeah. Si tu ne sais pas, je te dis aujourd'hui. Alléluia. Ne critique personne. Parce que tu n'as rien fait. La personne a fait quelque chose. Au moins, il a essayé quelque chose. Toi, tu n'as rien fait. Et pourquoi tu peux parler? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Donc, l'homme d'Anakazo surmonte les excuses. Et on a vu les deux ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis, mais au moins deux ennemis ce matin qui est contre Anakazo. Yeah. Ceux qui donnent les excuses. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus donner des excuses. Au nom de Jésus. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Yeah. On a la Sainte Seine. Acclamons pour le Seigneur. Yeah. Yeah. Hier, lorsque j'ai écouté l'un des messages, et le Saint-Esprit me disait, ceux qui critiquent devaient être là-bas pour voir. Yeah. Certains d'entre vous devaient être là-bas. Vous êtes restés à la maison. C'est pourquoi vous avez cette attitude contre les choses spirituelles. Yeah. Ceux qui ont participé, leur ton attitude change. Yeah. Juste pas être juste là-bas, ton attitude change. Ou bien, yeah, tu vois, ah, je ne savais pas. Alléluia. Yeah. Yeah. Il y avait un gars qui est venu donner un témoignage, étudiant à Kumasi, à l'université de Kumasi. Il buvait. Il buvait et puis fumait. Yeah. Le chant. Et l'évêque allait prêcher. Et puis il a donné sa vie à Dieu. Yeah. Il dit, ma mère ne m'a pas changé. Mon papa, personne n'a pu me changer. Mais lorsque la parole de Dieu est venue, et lorsqu'on prêche la parole de Dieu, les gens sont là pour critiquer. Vos bouches, on va mettre un cardinal aux bouches. Tu peux plus parler. Yeah. Les gens sont à Kolebou, n'arrivent pas à parler. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. L'évêque Ogo, vous connaissez l'évêque Ogo? Yeah. Il dit que buvait. Il allait de boîte de nuit, en boîte de nuit. Depuis 20h jusqu'à l'aube. La même nuit, il visitait toutes les boîtes de nuit. Il buvait le vodka. Vous connaissez le vodka? Moi, je n'ai jamais vu le vodka. Hein? Qui a une fois bu vodka? Hey! Je crois que c'est seulement le bishop Ogo qui a. Je ne savais pas qu'il y a des gens ici qui ont déjà. Il dit que il buvait vodka. La bouteille, il dit qu'il pouvait boire toute la bouteille. Yeah. L'évêque Ogo. Yeah. L'évêque Ogo. Qui a une grande église. Comme Kodesh à Abdenta. Maintenant, il a une grande église à Abdenta. Et maintenant, ils ont dit que l'église est trop petite. Ils ont trouvé une autre, un autre pasteur pour construire une plus grande église. L'évêque. L'évêque. Et c'est l'évêque Dark qui allait parler à la vue. Il a dit, mon frère, lève-toi, viens à l'église. Arrête ce que tu fais. Alléluia. Amen. Et dit que sa femme, une petite fille comme ça, lorsqu'il était à l'école, petite fille est venue prêcher. Donne ta vie à Dieu, sa femme. Alléluia. Lorsqu'il a dit une petite fille, j'ai regardé les petites filles à Belenpe. Est-ce que vous pouvez parler à quelqu'un pour donner sa vie à Dieu? Tu vois, ce que tu fais, tu penses que c'est rien. Tu es en train de parler à un évêque sans le savoir. Yeah. Yeah. Sans le savoir que c'est un évêque, je suis en train de sauver ici, il vient d'aider à te sauver. Yeah. L'évêque Ogo buvait, dit sa mère était à Londres. Et puis on l'a envoyé un message, il dit que son fils là, si tu ne viens pas, il va mourir. Et puis il dit que sa mère a écrit une lettre avec un bic rouge. Sa mère lui a envoyé une lettre de Londres avec un bic rouge. Il a lu la lettre, c'est ça quelque part. Il a froissé le papier, la lettre, jeté quelque part. Il dit que lorsqu'il lisait la lettre, il fumait. Il lisait la lettre, il fumait. Il dit que ma mère ne m'a plus changé. Est-ce que vous comprenez? Dans une telle église et une telle personne qui a fait de grandes choses, les vies sont en train de changer. Hein? Et en train de gagner des âmes pour le Seigneur. Et toi, tu es là, tu dis des bêtises. Tu es dans l'hostel, quelque part. Tu es dans l'hostel, à côté de moi, bien à Lajo. Et à Beka, j'ai appris qu'à Beka, il y a des gens là-bas. J'habite à Lajo, il y a des gens là-bas qui sont en train de parler contre l'église. Ta bouche sera fermée par le Seigneur. Ta bouche, à partir d'aujourd'hui. Yeah. Faut dire encore, tu vas voir. Le Seigneur. Yeah. Ceux qui murmurent, ceux qui critiquent. Et les gens sont à l'église. Vous êtes à l'église et les gens murmurent et vous êtes là à contribuer. Vous écoutez. Ah, ok, vous êtes là. Votre tête va tomber sur la terre. Oh, Charles. Il faut me pardonner ce matin, ok? Non, mais c'est grave ce que je dis. C'est grave. C'est grave. Tu n'as rien fait. Quelqu'un est en train de faire quelque chose pour Dieu. Et tu es là à critiquer. Tu es là à critiquer. Yeah, tu es là à critiquer. Regarde les jeunes filles qui pouvaient être des prostituées. Regarde les jeunes filles qui sont là pour chanter, pour faire quelque chose pour Dieu. Regarde, ils sont là. Vous pouvez être des prostituées ou bien? Regarde les jeunes gens qui peuvent être prostituées. Qui sont là à l'église, écouter la parole de Dieu calmement. Ils sont en train de jouer. Le gars là peut être prostitué. Ah, crac ici. Il pouvait être prostitué. Fréquenter la prostitution. Regarde. Et puis tu es en train de parler. Non, parce que vous croyez que c'est automatique que les gens viennent ici, s'asseoir ici. Non. Quelqu'un est en train de faire quelque chose. Les gens sont en train de prier pour les gens. Les gens sont en train de suivre les gens pour venir à l'église. Pour changer de vie. Leurs parents ne pouvaient pas les changer. Le mois passé, il y avait une fille qui me disait, je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas de forniquer, je vais te... Yeah. J'ai dit, si tu n'arrêtes pas de forniquer, tu vas voir ce que je vais. Et le jour-là, elle a arrêté de forniquer. Yeah. Ça, c'est un akazo, menace. Tu menaces. Les gens sont en train de faire comme ça pour aider les gens à ne pas aller dans l'enfer. Et tu es là, tu es en train de critiquer. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as fait pour changer quelqu'un? Tu n'as rien fait. Tu es là. Ah. Ah. Est-ce qu'on peut appliquer un akazo? Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Lève la main, remercie le Seigneur pour sa parole. Sa parole. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour les pasteurs. Merci pour les évêques. Merci pour les chrétiens. Merci pour les églises qui s'efforcent pour faire quelque chose, pour sauver les âmes pour ton royaume. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que tu nous montres un akazo, un esprit qui dit que c'est possible. Je peux le faire. Je peux être un chrétien qui ne fornique pas. Je peux être un chrétien qui ne fait pas de bêtises. Je peux le faire par la grâce de Dieu. Quand Philippiens 4, verset 13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous aide. Au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, on ne va plus murmurer. On ne va plus donner des excuses. Aujourd'hui, c'est la fin des excuses. Oh Seigneur, pardonne-nous, nous qui avons murmuré, ont critiqué les hommes de Dieu, ont critiqué l'Église, ont critiqué les choses spirituelles, ont critiqué les autres chrétiens. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous. Demande pardon. Si tu as une fois dit quelque chose contre les choses spirituelles, ce que Dieu est en train de faire, demande pardon ce matin. Pour que la lèpre ne t'attaque. Pour que la lèpre, une maladie étrange ne t'attaque. Seigneur, pardonne-nous. Nous qui nous avons critiqué. Nous avons critiqué, Seigneur. Pardonne-nous. Nous avons murmuré contre les choses spirituelles. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Lave-nous avec le sang. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Wow, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Yeah. Avant de s'asseoir, je veux donner l'opportunité. Tout le monde ferme les yeux. L'opportunité de donner ta vie à Dieu. Ce matin, je veux te dire que le ciel et l'enfer sont réels. Il y a un endroit. Ton esprit ne meurt pas. Tous ceux qui sont morts sont vivants. Ils sont vivants, si tu ne sais pas. C'est le corps qu'on a enterré au cimetière. Mais ils sont vivants quelque part. Et il y a seulement le ciel et l'enfer. Si tu donnes ta vie à Dieu ce matin, lorsque tu n'es plus là, tu seras vivant au ciel avec le Seigneur. Mais si tu ne donnes pas ta vie, tu vas te retrouver dans l'enfer et tu ne vas pas aimer cet endroit. Mais ce matin, je te donne l'opportunité de donner ta vie et de changer cet endroit, de changer ta destinée de l'enfer au ciel. Si tu es là ce matin, tu veux donner ta vie. La Bible dit que lorsque tu crois que le Seigneur a envoyé Jésus et tu crois dans ton cœur et tu confesses, tu reçois la vie éternelle. Ce matin, je veux te donner l'opportunité de confesser, si tu crois dans ton cœur, que c'est lui le Sauveur. Le Seigneur va te donner une nouvelle vie. Le Seigneur va changer ta vie. Va te sauver. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main avant de partir? Si tu es là, tu veux lever la main. Lève la main. Avant de partir. Avant de partir. Lève la main. Tu veux être sauvé. Merci, ma fille. Merci. Tu veux donner ta vie à Dieu. Lève la main très haut. Je veux voir la main très haut. Tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi avec le sang. Je veux être sauvé ce matin. Je ne veux pas aller dans l'enfer. Merci. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Toi aussi, tu dois lever la main. Tu dois lever la main. Lève la main. Le Seigneur veut te sauver ce matin. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te sauver. Tu es là à cause de ce matin, à cause de ton salut. Tu es là, c'est à cause de ton salut. Bien, tu as déjà donné ta vie à Dieu, mais tu as retrogradé et tu veux redédier ta vie à Dieu. Tu veux dire, Seigneur, je veux recommencer avec toi. Toi aussi, lève la main. Lève la main. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Tu veux recommencer avec Dieu. Dieu nous aime. Il est toujours, la grâce est toujours disponible maintenant. Demain, on ne sait pas si la grâce est disponible. Et si tu as retrogradé, le Seigneur veut te recevoir encore. Le Seigneur t'aime toujours et veut sauver ta vie. Tu es là. Merci. Je vois les mains. Je vois les mains. Je vois les mains. Je vois les mains. Seigneur, merci. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant, on va prier. Viens, on va prier. Viens. Viens. Viens. Viens. Acclamons pour eux. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons. Acclamons. Acclamons. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Tu es là, tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir. Viens. Ferme nos yeux, tous, tout le monde, ferme les yeux. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir, viens. Viens. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir, viens. Viens. Alléluia. Ceux qui sont devant, dis Seigneur, je te remercie. Ce matin, je reconnais que tu as envoyé ton Fils et il est mon sauveur. Je crois dans mon cœur qu'il a donné sa vie pour moi. Il a versé son sang pour me racheter. Et ce matin, je le confesse qu'il est le sauveur. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, tous mes bêtises. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Ce matin, je te donne toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Je vais te servir de ma force, de mon intelligence et de toute mon âme. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Ta présence en moi est ma lumière. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à Bérigbé, non loin du Trottoir Station, en face de Sugar Hostel. Ceci tous les dimanches à 7h. Et les jeudis à 17h30 pour une rencontre qui va changer votre vie pour le meilleur. Aimez notre page Facebook LCI, la belle église à Bérigbé, pour plus de messages. Soyez bénis.